is what you came for. Lightning strikes every time she moves. C'était le Rodance 25 sur Fun Radio, le classement référence des 25 bombes les plus jouées dans tous les clubs d'Europe. Et ce soir, après 4 mois de présence, Calvin Harris et Rihanna restent numéro 1 en Europe pour le This Is What You Came For. Kongs numéro 2, Justin Timberlake numéro 3, David Guetta en 4 et 5ème, plus 1 pour Deo avec Bailar. Rencard sur funradio.fr pour récupérer l'intégralité de ce nouveau classement et les 3 entrées de la semaine à retenir. L'entrée de Snake avec Justin Bieber, de Martin Garrix et des Chainsmokers avec Closer. Tout pile 20h, je souhaite une bonne soirée sur Fun Radio. On se retrouve à minuit pour terminer le week-end avec Party Fun Deep saison 2, émission 3. Ça sera tout à l'heure pour une heure de Deep House, histoire de bien terminer la semaine. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches, ils sont en pleine forme. J'ai menti sur un truc. Attends. Beau, jeune, riche. Oui. Tu parles de qui là? Pas de toi en tout cas. Ça c'est sûr. À quel niveau, Doc? Beau, jeune, riche, c'est tout sauf toi quoi. C'est tout le Doc, hein. J'adore. Voilà, non, merci de me le dire. On a dit jeune. Mais il faut 2 sur 3 pour passer. J'espère que ça va bien, Miko. Bah, très bien, ouais. Petit week-end à la cool. Ouais, bah c'est cool. Ah, voilà. On y va, nous, c'est ça? Eh, j'ai sauvé l'émission, n'oublie pas. Ah oui, c'est vrai, il m'a payé un café, putain. Ça fait plaisir. Ah bah je sais plus qui t'a accès depuis que Doc m'en paye plus. Ça a bien changé, man. Ah oui, ça va être compliqué, hein. Allez, c'est parti, Love in Fun. Jusqu'à 22h, on y est. Dans Love in Fun, il y a une équipe venue des quatre coins de la France pour vous écouter et vous conseiller. Doc, le médecin le plus connu de Franche-Comté. Ouais, j'ai même ma statue sur une place à Besançon et j'ai reçu le stéthoscope d'or remis par le maire de la ville. Karel de Bretagne, avec du sang de viking. Ouais, je suis un guerrier. Celui qui l'équipe tout le temps en Bretagne, je lui fais bouffer ses crêpes par le nez. Alice, la plus grosse quiche de Lorraine. Ah mais moi la quiche, mais j'adore ça, hein. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Oui, nous sommes là. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Fun Radio. On est dimanche soir, on est en direct, s'il vous plaît. Non, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon week-end. Car oui, c'est encore le week-end. On va passer toute la soirée ensemble dimanche soir à la cool, 20h-22h. Love in Fun sur Fun Radio au 01 42 48 5000. Toute l'équipe est là. Bien sûr, ouais, Doc. Salut à toutes et à tous. Salut Doc. Et en direct. Bonsoir Alice. Bonsoir Karel. Et en direct. Et en direct. Et en direct. Bonsoir Godefroy à l'aréa. Ça va? Bonsoir. Ouais, on est tous t'es en pleine transformation là. Tu te prépares pour la nuit? Ouais, exactement. C'est vrai, on apprend des petites infos. T'as raison de le rappeler, Doc. Godefroy s'appelle Mickaël à la nuit. Ouais, voilà. C'est surprenant. Hein. Le jour, c'est Godefroy de Montmirail. Exactement. On a Cassim, bien sûr. Ça va, Cassim? Ouais, très bien. Cassim, le producteur de l'émission. C'est ça. Maintenant. Je pèse, ouais. Tu te la pètes. C'est ah oui, c'est ça. C'est pas pareil. Et Guillaume et Cindy qui vous attendent au standard, qui ont sélectionné ce soir l'auditeur du soir qui sera avec nous pendant les 2 heures de l'émission, c'est Gabriel. Salut Gabriel. Salut Gabriel. Salut Gabriel, t'as 16 ans et t'es un mot, toi. Ouais, c'est ça. T'es content d'être avec nous? Ah ouais, mais un truc de fou. Mais depuis le temps que j'attendais ça. Ah non, fais pas trop. Hein. Personne ne te croira. Hein. Gabriel, tu vas faire de l'émission de radio avec nous pendant 2 heures. La radio prêt avec nous, tout simplement. Ouais, voilà. Au taquet. Ah, j'ai pas envie de me tromper, attention. Ah, on n'a pas le droit à l'erreur. Attention, avec Doc, rien ne se passe. Passer. Mais voilà. Alors, Gabriel, t'es pas tout seul. On va accueillir Sarah qui est avec nous aussi. Bonsoir, Sarah. Bonsoir Léa, bonsoir Karel, bonsoir Salut Sarah. Salut Sarah, t'as 23 ans et t'es de Lyon. Et tu nous appelles pourquoi toi, Sarah? Et ben moi, je vous appelle parce que j'arrive pas à me détourner de mon idéal masculin. D'accord, c'est-à-dire que tu t'intéresses plus au physique des mecs qu'à ce qu'ils ont dans tête, quoi. D'accord. Ah ouais. Et tu voudras savoir quoi, alors? Et ben, est-ce que je suis la seule comment arriver à détourner ce blocage? Et t'as eu beaucoup de déceptions avec ce schéma? J'arrive pas avec les autres. Là, bien sûr, donc, voilà. Simplement. Mais tu bouges pas, Sarah. On va en parler. N'hésitez pas à nous appeler si vous êtes sorti avec quelqu'un juste pour son physique, hein, ou au contraire, vous vous intéressez un petit peu plus à ce qu'il a dans la tête. Vous restez pas bloqué comme ça. 01 42 48 5000. Tu restes avec nous, Sarah, d'accord, ma chérie? Oui, Sarah, elle est là. T'es là. Sarah, elle reste avec nous. Ouais. Et puis, on va accueillir Yanis, 17 ans, de Manosque. Bonsoir, Yanis. Salut Yanis. Salut à vous tous. Salut à toi Yanis. Comment tu vas, toi? Ça va. Alors vas-y, raconte, pourquoi t'appelles? Alors moi j'appelle parce que j'ai rencontré une fille sur un site de rencontre par téléphone. Et on avait bien discuté, bien sympathisé. Et en fait, j'ai menti sur mon âge. C'est-à-dire, t'as annoncé quel âge? Et j'ai annoncé 23. 23 ans au lieu de 17 ans. Ah ouais. Elle a quel âge? Elle a 18. Ouais, bon, ça va. Oh, pourquoi t'as menti? Ça va. Pourquoi t'as menti? Quoi? Vous avez un an d'écart? Ouais. Parce qu'elle voulait des gens plus âgés? Je sais pas. Souvent, tu sais pas. Là, oui. Les filles préfèrent les mecs plus âgés, généralement. Intuitivement, c'est ce qu'ils pensent, bien sûr. Et alors, Yanis, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. En fait, je l'ai appelé, on s'appelle et tout, on discute bien et voilà, j'ai du dimanche sur certains trucs. Je lui dis que j'ai une voiture et compagnie. Quand elle va te voir avec un tricycle, tu vois, ça va pas le faire, Yanis. Tu comprends? Aïe. Tu peux pas mentir comme ça. Surtout que les filles, vous aimez pas les mythos. Ah bah non, on n'aime pas les mythos. Absolument Tu dois la voir ou pas? Non, on n'a pas. Ah oui, tu n'as même pas. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle pour lui dire qu'en fait, t'as pas 23 ans mais 17 ans? Ouais. On le fait ou pas? Allez, on a son numéro de téléphone. Tu parles? Oui. Allez, tu veux que je parle? Non, ou tu veux vas parler. Parler ouais, je veux parler, ouais. Okay, oui, tu vas parler. C'est parti. Ouais, non, mais bien sûr, Yanis, 17 ans, qui m'étonne, juste pour pécho à 18 ans. Non, pas besoin. Vas-y, Yanis. C'est bien de dire la vérité. Bah, il vaut mieux. Hein. Allô? Allô? Allô? Ouais. Ça va? Ça va, ouais. Okay. C'est un pote à Yanis. Oui. Ça va, je te dérange pas? Non. D'accord. Leïla, je vais t'expliquer. Parce que bon, on a un petit problème avec Yanis. Leïla, il se trouve que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et c'est Yanis qui va te la dire, d'accord? D'accord. Yanis, à toi. Allô? Ouais. Allô, ça va? Ça va et toi? Ça va. Allez, bon, là, on y va, là. Hein. Je vais dire un truc. J'ai pas, en fait, 23 ans, mais j'en ai 17. Quoi? J'ai pas 23 ans, mais j'en ai 17. Arrête, tu te fous de moi. Non. Surprise! C'est une surprise! Et oui. Leïla, t'es en direct sur Fun Radio ce soir, Leïla. On va de surprise en surprise. Hein? Ah, par contre, si tu pouvais éviter de toucher à ton téléphone. Ce serait mieux. Leïla, parce que sinon, on t'entend vraiment très très mal. Et comme on fait de la radio, ce serait cool pour ceux qui écoutent. D'accord, Leïla? D'accord? Oui. T'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Ok? D'accord. Et Yanis nous a appelé ce soir pour nous dire, voilà, j'ai menti à Leïla, je lui ai fait croire que j'étais plus vieux, en fait, j'ai que 17 ans. Qu'est-ce que t'en penses, comme ça? Est-ce que ça te gêne? Il a pas de voiture. Non, mais il a une mobylette. Ouais. Alors, je crois, un scooter 50cc. Non, un VTT, doc, mieux. Alors, t'en penses quoi, Leïla? Ah bah, elle est sans voix. Grand-chose. Elle est sans voix. C'est-à-dire que Leïla, t'es vraiment une cliente idéale pour la radio. Vraiment. C'est-à-dire que tu t'exprimes super bien et t'as la patate. Hein, attends, Leïla, t'as peur de parler là ou pas? Non. Non. Elle est surprise. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, Yanis, voilà, il t'a menti un peu, il sait même pas pourquoi, il y a même pas de calcul dans cette affaire-là. Si, il voulait à peu près, oui, il a à peu près ton âge. T'en penses quoi? Ça t'agace? Ça t'énerve? Ça te plaît pas? C'est choquant. C'est choquant, choqué. Donc t'es choqué. Sous le choc, Doc. Hein. Est-ce que t'as encore envie de lui parler ou pas? Oui. Oui, bon. Bon, ah ben voilà, c'est déjà pas mal. Hein, Yanis, maintenant que le boulot est fait, t'as plus qu'à continuer. Hein. Yanis. Merci, ouais. Bon, qu'est-ce que t'as sorti comme mytho encore? T'as dit que t'avais une voiture. Oui, t'en faire le plein, oui. Ouais, quoi d'autre? Plein de conneries. Plein de conneries, que tu gagnais de l'argent, c'est ça? Non, ouais. Non, parce que les filles sont pas vénales, tu sais. Bon, alors, tu vas jouer à un autre jeu, tu vas dire le jeu de la vérité, que la vérité. Alors, Yanis, oui. Tu as quel âge? J'ai 17. D'accord. Tu as déjà eu une petite copine? Oui. Tu as déjà fait l'amour avec des filles? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends de ta relation avec les gars? Il y a des trucs anti-mensonges qui clignotent tout le temps. Oui, j'ai l'impression qu'au détecteur, il passe pas là. Après, faut voir dans le futur, faut voir comment ça se bidouille tout ça. Ah bah comment ça se bidouille? C'est Layla qui va décider, c'est elle qui a les cartes en main maintenant. Layla? Oui. Oui, bah oui, bah oui. Mais on n'aura pas plus qu'un oui, hein, je pense. Layla, je te fais un gros bisou. En tout cas, elle a accepté que Yanis la rappelle, c'est ce qui va se passer. Donc on va te le repasser en antenne, d'accord? D'accord. Ok. Bon. Bah, joie et bonne humeur hein, pour ce soir. Hein. Salut. Hein. Salut. Gros bisous. Ah, je sais que c'est dimanche, il y en a qui dépriment, mais faut pas. Hein. On est là, nous, tous les soirs, du dimanche au jeudi, 20h-22h. Non, c'est la décompression complète du week-end. Elle décompresse totalement. Ah, bah là, complètement, ouais. Yanis, on te fait une grosse bise. Ouais. Tu viendras nous raconter comment ça s'est passé, d'accord? Ça va. Allez, salut Yanis. Sur nous. Sarah, dans un instant, 23 ans de Lyon, qui nous disait là en début d'émission qu'elle s'intéresse qu'au physique des mecs. Elle n'arrive pas à passer outre un physique. Genre, si un mec est hyper attachant, mignon, bah ça n'ira pas. Parce qu'il n'est pas beau gosse. C'est ça, Sarah, hein? Oui, c'est ça. J'arrive pas à me détourner du physique. Voilà, c'est mon idéal masculin. Voilà, et tu nous diras quel est ton idéal masculin. Tu sors qu'avec des mecs pour leur physique. 01 42 48 5000. Dites-nous si vous avez été dans la même situation que Sarah, justement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que bon, on vit pas toute sa vie avec un physique, hein, sans déconner. Hein. Mmh. On vieillit à un moment donné. Hein. Oui. On en parle dans un instant au standard 01 42 48 5000 et on reviendra avec Sigala tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Info. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bannure. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Actuellement au cinéma. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai! Pour vous régaler, bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, bougez plus. Love in Fun. 20h-22h. Sur Fun Radio. Love in Fun, début de soirée à la cool et tous les soirs, vous le savez, à 21h, on fait un défi. C'est le défi, fallait pas demander. Toute la semaine, on remet ça. World of Warcraft, Légion, la nouvelle extension à gagner tous les soirs dans l'émission si vous voulez vous inscrire. 01 42 48 5000, rendez-vous à 21h et voici Sigala sur Fun Radio. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. I need it, give me your love. I'm bleeding, give me your love. I need it. treat you like I could. Stop your searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Sigala, give me your love sur Fun Radio. Love you, Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Avec Gabriel, notre auditeur du soir qui est là sur Fun Radio. T'es là, Gabriel? Ouais, je suis toujours là. 16 ans de mots. Tu sais que pendant l'émission, on lit régulièrement les messages qui sont envoyés. Ouais. Comment on fait pour envoyer des messages, Gabriel? Eh ben, en fait, on tweet avec l'hashtag LovinFun où on mentionne aussi le compte LovinFun. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, on va sur la page Facebook de l'émission, le Snapchat aussi, Love in Fun Radio. C'est parti pour quelques messages, Alice. Un message de Hélène. Je suis sur votre chaîne YouTube. C'est tellement drôle, la vidéo du défi Palais pas demandé avec la grand-mère qui répond à tout en mode tranquille. Quand est-ce que vous allez faire d'autres vidéos? Bah écoute, Hélène, on a des vidéos qui arrivent très bientôt, hein. Ouais, et on en fait de plus en plus sur la chaîne YouTube Love in Fun, voilà, sur YouTube. Un message de Mathieu. Je viens de créer un compte Instagram. Est-ce que vous avez Instagram, vous, que je puisse vous suivre? Ouais, absolument. Alors, c'est quoi le nom du compte d'ailleurs? Love in Fun. Voilà, Love in Fun. Bah, c'est simple, quoi. Mais voilà, c'est simple comme un bonjour, bien sûr. Bonjour, Sarah. Bonsoir. Salut, Sarah. Sarah, t'as 23 ans. Salut, Sarah. T'as 23 ans et t'es à Lyon. Oui, c'est exact. Tu appelles pourquoi? Eh ben moi, c'est parce que j'arrive pas à me détourner de mon idéal masculin. Oui. C'est-à-dire, raconte. Eh ben voilà, moi, je suis intéressée que par les bras aux yeux bleus. Les bras aux yeux bleus. Ils sont plus grands que moi, mais les autres, je ne peux pas. Alors, est-ce que je suis normale? C'est tout à fait normal d'avoir un idéal masculin, complètement normal. Mais l'autre problème, c'est la relation que t'établis avec les mecs. C'est-à-dire que s'il n'est pas comme ça, tu vas pas. Mais s'il est comme ça, ça te suffit au départ. On est à peu près d'accord? Oui. Voilà. Oui. Les bruns aux yeux bleus, ça peut être le plus gros des connards, ça marche. Bah, ça marche pas. Non, ça, si, si. Mais attends, je lui parle à elle. Mais ça marche pas. Mais attends, on parle à Sarah. Sarah dit que ça marche. Oui, non, mais. Ok, mais justement, mais moi je pense que ça peut pas marcher longtemps, quoi. T'as trouvé la solution, oui, ça peut pas marcher. Tu viens de dire la solution à Sarah. Sarah, ça peut pas marcher, c'est exact. Comment veux-tu que ça marche? Si tu ne juges les gens que sur leur physique et que t'es prêt à partir à n'importe quelle condition, simplement parce qu'il est vraiment aux yeux bleus, et Karel te dit ça peut pas marcher, ça peut pas marcher, c'est exact. J'ai trouvé la solution. Merci, Doc. Seul, ah, mais voilà, attends. T'es après... d'accord, Sarah, ou pas? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, j'ai peur de rater quelque chose, une belle relation avec une autre personne qui peut être blond aux yeux marrons, mais qui passe aussi bien, mais est-ce que tu sais parler? Oui. Est-ce que tu peux te balader, sortir, aller au cinéma, en boîte, où tu veux, sans obligatoirement rouler une pelle en 5 minutes? Oui, bien sûr. Eh bien, tu vas commencer par ça. Te dire que ce ne sera peut-être pas mon petit copain, mais au moins, je lui aurai parlé. Et peut-être qu'en découvrant les gens, peut-être que ça va aller mieux. Parce que tu roules des pelles en 5 minutes, ça je pense, oui. Il suffit que brun aux yeux bleus, ça marche. Ouais. Un brun aux yeux bleus qui ne te connaît pas mais qui vient t'embrasser, tu dis pas non. Ah voilà, c'est ça. D'accord, c'est le charme du brun aux yeux bleus. Qui est brun aux yeux bleus là? Genre Gautran. C'est ça. En fait, elle est simple ton histoire, Sarah. C'est simplement tu fais comme beaucoup de gens, tu pars un peu vite, quoi. Oui, après voilà, je sais pas, est-ce que ça va t'enlever? T'as quel âge? Elle a 23 ans. Ça va, t'as le temps. Bah, bien sûr. Perdu, là. Non, mais attends, Sarah, on a Nico qui veut réagir. Il a 22 ans, il est de Paris. Ouais, bonsoir, Nico. Vas-y. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut, Nico, ça va? Ben bien, et vous? T'es brun aux yeux bleus? Brun aux yeux marrons. T'as aucune chance. Aucune chance. Oublie. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Est-ce que t'es attaché au physique? Est-ce que tu peux sortir avec quelqu'un que tu trouves, pas forcément très très belle, mais elle a du charme? Moi, je suis pas du tout attaché au physique. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. C'est le physique, c'est une façade, en fait. C'est un peu hypocrite. C'est quoi l'intérieur pour toi? Ouais. L'intérieur, je m'entends, hein. Non, c'est ce qu'elle a au fond d'elle qui m'intéresse. C'est les moches qui disent ça. Non, mais tais-toi, Cassim. Dans son âme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Plutôt dans son âme, ouais. Ce qu'elle après, a au fond du cœur. Ouais, c'est ça. On va tirer. Après, comme disait Sarah, c'est pas. Enfin, elle se base sur le physique, d'accord. Il y en a qui sont bien gaulés, mais elles n'ont rien dans la tête. D'accord. Et est-ce que tu es déjà sorti avec une fille? C'est ça, moi? Oui. Oui, bien sûr. Ah bah oui. D'accord, mais je te pose la question. Elle était comment physiquement? Ah, elle était bien. Physiquement, elle était bien, mais elle... Ah oui, quand même. Ah, tu vois, bien sûr. Elle avait tout ce qu'il fallait, quoi. Hein? Non, pas du tout hypocrite, mais elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait tout ce qu'il fallait, d'ailleurs. Pourquoi t'es plus avec, alors? Compliqué. Ah oui. C'est toujours compliqué, Doc. C'est toujours. Et du coup, Nico, tu pourrais très bien sortir avec une fille qui est... Enfin, voilà, tes copains disent d'elle qu'elle est pas très jolie. Toi, ça t'empêcherait pas d'être avec elle? Non. D'accord. Pas du tout. Mais oui, et ça, Sarah, toi, c'est impossible pour toi, quoi. Ah ouais, moi, pour le moment, il faut que ce soit un brin du bleu. Il faut attendre de rencontrer la bonne personne, en fait. Mais il faut pas te précipiter. Il faut sortir avec des garçons sans obligatoirement sortir avec eux dans le plein sens du terme. Sortir simplement pour les découvrir, les écouter, leur parler. Alice, c'est quoi ton idéal masculin, toi? Je vais pas me faire des amis. Vas-y. Enfin, je vais me faire engueuler en rentrant à la maison ce soir parce que je vais donner tout l'inverse. Mais je dirais, Matt, les yeux clairs, bruns, ouais. Et c'est tout moi, ça, non? Non, pas trop, non. Je suis un peu mat, j'ai les yeux clairs. Non, toi, tu es mat, pas naturellement, c'est tes poils qui te rendent mat. C'est pas pareil. Ce que dit Alice est essentiel. Je pense que c'est l'histoire à peu près de tout le monde. Il y a toujours comme ça, on rêve toujours d'un physique idéal et puis on rencontre quelqu'un qui n'a pas ce physique. La réalité. C'est même pas vraiment un idéal, c'est son style. On aime bien ce style et après à voir, quoi. Et puis il dégage autre chose qui finalement est attrayant et c'est pourtant pas l'idéal de départ. Mais c'est ce qui va t'arriver, ça. J'en suis sûr. Doc, n'est pas inquiet, ça va finir par passer. T'inquiète pas, d'accord? D'accord, merci beaucoup, en tout cas. Je vais quand même t'envoyer une petite photo de notre réalisateur préféré, hein, qui ouais, répond okay. à tous tes critères. Hein. C'est Godefroy à l'aria, d'accord, Sarah? Ok, ça marche. Gros bisous, ma chérie. Merci, Nico, d'être passé. Gros bisous. Salut. Et merci, t'es obligé d'avoir un cadeau ou pas? Ouais, tu raccroches pas, on va t'envoyer ça, d'accord? Merci. Petit pack Love in Fun là, qui va partir. Et puis Marine qui nous appelle à 23 ans de Bordeaux, un sexy chocolat. Bonsoir, Marine. Salut toute l'équipe. Salut. J'avais vu des messages ce week-end. Quand est-ce que ça revient, le sexy chocolat? Bah ça revient. C'est jamais parti. Hein. C'est là tout le temps. Dès que vous avez besoin de nous, quand vous voulez qu'on teste la fidélité de votre mec ou de votre nana. Et toi, Marine, t'as besoin qu'on teste ton mec, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai des doutes sur sa fidélité. Ok. Je vous ai dit qu'en fait, je suis partie une semaine en vacances la semaine dernière. Ouais. Et quand je suis revenue, j'ai découvert des messages et des Snapchat. Ok, ah d'accord. Ouais, pas ah ouais, cool. T'arrives à voir les messages sur Snapchat? C'est enregistré, donc ouais, manque de peau, ouais. D'accord, ok, bah tu vas tout nous raconter. Ouais. On va l'appeler, on va le tester, on va savoir si, voilà, s'il pense plus à toi qu'à une autre. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour réagir. Et puis du son pendant toute l'émission en écoute du tube. Voici Pitbull Florida avec Green Light, c'est Love in Fun jusqu'à 22h. Florida and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. 'Cause I'm ready to go. Dream, I wanna loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up, so give me the green light. Give it to me. 'Cause I'm ready to go. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out. Rally stripes, 7500 pound out. Hey, red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light.

the luck with mine. Something that attracts my sound of fear. Can you feel the sound? Oh, I won't stop. My dreams are about you and I don't want to wake up now. Now I can't stop thinking of your body above me for the rest of the night. Lion, can you feel the sound sur Fun Radio? 01 42 48 5000. Love Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Libre antenne tous les soirs sur Fun Radio, le numéro pour nous appeler, demander des conseils, nous raconter un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Ici, il n'y a pas de sujet tabou, hein. Vous pouvez tout dire, poser vos questions. En plus, on a un vrai médecin qui est avec nous tous les soirs. 01 ouais, 42 48 5000. On a Benoît. Benoît, 17 ans, de Mont-de-Marsan. Le ouais. Beau gosse. Salut Benoît. Salut. Ça va? Ça va et vous? Alors, raconte un petit peu là, vas-y, on t'écoute. Ah ben, alors j'étais au camping avec des copains, il y avait une femme de 52 ans ou 56, et elle était en train de lire. Ouais. Et donc du coup j'ai dit, je vais vous parler, parce que j'avais envie de choper une femme plus vieille que moi. Donc du coup j'y suis allé, on a discuté un peu, on est parti dans la voiture et je l'ai chopé. Dans la voiture? Bravo. Et je l'ai chopé. Et je l'ai pécho. Attends, dans la voiture? Dans la voiture, oui. Je suis sûr que c'est vrai en plus. C'est ça. Alors, après? Et après, du coup, c'est sorti. Bon, mes copains ne me croyaient pas sur le coup. C'est sorti. Et qu'est-ce qui est sorti? Non, il est sorti de la voiture. Ah oui, pardon. Voiture, ouais. Ah oui, non. Alors, voilà. qu'est-ce qu'elle t'a dit après, la dame? Oh, ben rien, je vais dormir, je ferme la porte. Merci, au revoir. Merci, voilà. Madame. Au revoir. C'est magique. Merci, madame. Merci beaucoup. Non, mais elle t'a pas dit on se revoit, elle t'a rien dit. Non, parce que t'as ma femme, ça peut se bosser la dernière fois. Attends, ok, donc Benoît, t'es au camping, tu vas dans la voiture, tu fais ton délire, merci madame, à bientôt. Ça t'a coûté combien cette affaire? Zéro. Et qu'est-ce que vous avez fait dans la voiture alors? Voilà, j'ai débouché, m'a fixé. Attends, elle parle dans le téléphone là. Tu parles mal. Hein? Elle t'a quoi? Elle m'a fixé. Elle t'a sucé, ah oui. Une c'est petite, tout? Petite pompette. Non, après, voilà, ça allait tout loin quoi. T'as fait l'amour avec elle? Ah oui. D'accord. Alors pourquoi t'appelles, à part pour nous raconter cet exploit des vacances? En fait, depuis, j'arrive pas à me remettre avec des filles de mon âge. Mais pourquoi? Parce que je trouve nul au lit. Attends, d'accord, ok. T'as déjà couché avec une autre femme que cette dame d'un certain âge? Oui. Et c'était comment? C'était bien, parce que j'avais jamais goûté au pouvoir. Bon, tu sais que tu pourrais parler correctement dans ton téléphone, on t'entendra mieux, parce que là, on a l'impression que t'es sur Mars. C'est son téléphone qui merde. Parle bien dedans. Ouais. Bah, ouais. Ah, c'est mieux, là. C'est mieux, tu vois, tu peux faire des efforts. Et là, est-ce que t'es déjà tombé amoureux d'une femme? Oui. Et là, ça changera tout. Le jour où tu vas tomber amoureux d'une fille de ton âge, eh bien, tu vas oublier tes aventures. Peut-être qu'il aime quand ça sent le renfermé, là-dedans. Oh non. Ah bah, elle avait beaucoup d'expérience, Benoît. Elle t'a fait des trucs de dingue. Ah oui. C'est vrai, tu t'en souviens et c'était pas pareil avec les filles de ton âge, quoi. Ah non, ça n'avait rien à voir. D'accord, ok. On a Stan qui est avec nous, qui veut réagir, qui a tout entendu là. Stan, 25 ans à Toulouse. Salut Stan. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir Stan, l'expérience qui va parler. Stan, on t'écoute. Quel est ton sentiment? Enfin, j'ai pas une expérience longue comme l'avant-bras non plus. Hein. Oui, bien sûr, mais bon. Vas-y, lâche-toi. Non, moi, ça m'est déjà arrivé de fréquenter des femmes d'un certain, enfin, d'un âge beaucoup plus âgé que moi, on va dire. Combien, 10 combien, à 20 ans plus que moi. 10 à 20 ans plus que toi. Okay. Ouais, de 10 à 20 ans. Je sais que la dernière femme dont je suis tombé amoureux avait 34 ans quand j'en avais 25. Ok, okay. Mais t'étais amoureux, c'est pas pareil. Hein. Lui, c'était uniquement tirer un coup. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, je n'étais pas censé tomber amoureux d'elle. Et celle qui avait 20 ans de plus, comment elle s'appelait? Sarah. C'était Katoche? Non. C'était la femme du doc? Non, ça, je suis sûr que tu risques pas. Non, je c'est pas son genre du tout. Enfin, je sais bien. Elle est très sérieuse. Stan, qu'est-ce que te... Bah, la vraie question de Benoît, c'est lui, depuis qu'il a couché avec une femme plus âgée, il a plus envie de retourner voir ses copines, en fait, les filles de son âge. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Tu comprends? Ça peut être normal au début. Oui, tout à fait. Ça peut être normal aussi au Pourquoi début. Parce que ça a juste rien à voir. Déjà, les femmes plus âgées sont beaucoup plus posées et elles savent beaucoup plus ce qu'elles veulent. Oui, ouais. Elles veulent coucher, d'accord. Ah oui. Ça va lui passer, Benoît, ça va te passer très simplement. Un jour, tu vas tomber amoureux d'une fille qui va avoir ton âge ou un peu plus même, ça va tout changer pour toi. Puis il y a aussi des filles qui peuvent te plaire. Non mais tout ça, je pense que c'est passager. Hein. C'est pas... Mais Stan, un moment, Stan t'a dit, j'étais pas censé tomber amoureux d'elle, mais c'était qui? Pourquoi t'étais pas censé tomber amoureux d'elle? Tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré quand je travaillais en boîte en tant que ramasseur de verre. Ça, c'est du boulot de merde. Ah oui, putain, je connaissais pas le... Tu dis ça comme si c'était la mère de quelqu'un, ou je sais pas... Non, pas du tout, non. Okay. Mais juste que moi, normalement, je tombe pas amoureux. Ah, d'accord. Ça arrive à tout le monde de tomber amoureux, c'est pas bête. Ouais. Ah ben oui, il y a preuve. Yon, je viens de découvrir un nouveau métier, ramasseur de verre. Ouais. Ah, oui, genre, en boîte. Bah, en boîte, en fait, si tu veux, t'as tous les gens qui prennent leurs bouteilles, etc., ou leurs verres, et qui les laissent n'importe où. Et si tu fais ça, déjà, au bar, ils ont plus de verre. Ah oui. Si tu les ramasses pas, ils ont plus de verre, puis ça devient assez vite un bordel relativement immense. Donc, d'accord, t'as un mec qui, en général, est là et qui ramasse les verres. Okay. T'as pas que ramasser les verres. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, là, hein? Oui, du coup, là, non. T'as, été sur tous les dossiers. Gabriel, notre auditeur du soir, qu'est-ce que t'en penses de cette situation, toi? Du mec... Oui, il écoute ou il écoute pas? Et t'écoutes l'émission ou pas? Il a couché avec une fille de 54. Allez. Alors, Benoît, qu'est-ce que t'en penses, hein, pour Gabriel? Ouais, Gabriel. Je comprends pas, mais excuse-moi. Gabriel, on te demande ce que tu en penses. Après, moi, franchement, ça me dérangerait pas de coucher avec une cougar. Ouais, d'accord, ok. Ah, ah oui. C'est vrai, Gabriel, tu serais intéressé de coucher avec une nana qui a genre 20 ans de plus que toi, alors que t'as 16 ans? Ah ouais, je kifferais d'ouf, honnêtement. Mais t'es toujours puceau. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah, mais c'est des fantasmes. La première fois avec une cougar, une expérimentée, ça peut être pas mal. Oui. La dépuceleuse. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tu peux aller voir, il y a des dames hein, qui font des tarifs à 20 euros, hein, 20-30 euros. C'est quoi les derniers tarifs, Doc, toi qui passes souvent en bois? Non, attends, tu rigoles, je suis fidèle, je bouge pas une oreille. Il déconne celui-là ou quoi? Bah oui, je déconne. N'importe quoi. Ouais, je suis là pour ça, ouais, pour déconner. Prends, ouais. D'ailleurs, je rappelle que pour partir tous les soirs quand tu rentres chez toi, tu passes par le bois de Boulogne et parfois tu traînes. Bah toi, oui. C'est vrai, moi je passe pas par le bois de Boulogne. Je dépose Godefroy à l'aria maintenant. Ouais, c'est vrai. Il s'appelle Michaela la nuit. Ah ouais. Gabriel, merci pour ton intervention. Benoît, ouais. Ne t'inquiète pas. Hein. Doc, ne s'inquiète pas non plus pour toi. Ça va revenir. Hein. Et puis, ça restera une anecdote sympa, quoi, tu vois. T'as couché avec une nana qui aurait pu être ta maman, quoi. Ouais. Bien sûr. Hein. Ou ta grand-mère. Pardon. Salut, ouais, Benoît. Ouais. Salut à toi. Stan, le ramasseur de verre, merci d'être passé chez nous, Stan. Tu reviens quand tu veux. Ça doit rien, avec plaisir. Salut, Stan. Salut. Et ouais, vas-y, tu voulais dire un truc? Ah mais pas du tout, non. Eh ben d'accord. Eh ben à bientôt alors. Salut. Pas plus. Salut. On va parler des mélanges. J'ai rien compris.

20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. Love in Fun, vous nous écoutez sur internet, il y a plein qui sont connectés sur le site de Fun, funradio.fr, le streaming live bien sûr, hein. Vous pouvez mater l'émission pendant l'émission bien sûr, hein, tous les soirs entre 20h et 22h. Si vous voulez nous envoyer des messages, Twitter, Facebook, on est partout. On fera un petit point justement avec Alice dans un instant et t'as reçu justement un petit message, ouais, Alice, d'ailleurs. Exactement, j'ai parlé avec Thomas qui m'a raconté qu'il kiffait vraiment faire des mélanges un peu bizarres au niveau alimentaire, genre par exemple il met du chocolat chaud avec du fromage, mais surtout il met du ketchup dans tout. En fait il adore le ketchup et il en met, par exemple dès qu'il mange un yaourt il met du ketchup dedans. C'est dégueulasse. Donc c'est un peu particulier, mais apparemment il trouve ça super bon quoi, en fait, le goût ketchup. C'est comme ça que parfois certains grands cuisiniers ont découvert des recettes extraordinaires. Ah oui, c'est vrai, ouais, le mélange des goûts comme ça, des saveurs improbables. Ah, genre quoi, là, sucré salé, ça a été comme ça, ouais. Beaucoup de recettes sucré salé, genre la pizza avec l'ananas. Oui, pourquoi pas, oui. Ouais, c'est pas mauvais, il y en a qui détestent. Alors après, voilà, oui, il faut aimer, il faut vraiment que ça se marie bien. Mais... Comment ça se fait qu'on aime quelque chose au goût, Doc? Alors ça, c'est pas forcément inné, il faut savoir que chez les bébés, le goût s'éduque. Même si, puisqu'en fait, c'est olfactif le goût. Hein. Vous avez sucré-salé, pardon, amer-acide. Ça, c'est d'accord. La bouche, au niveau, okay, des papilles buccales. Et après, vous avez au niveau du nez, et c'est là, c'est ça qui vous donne... Finalement, l'odorat, c'est par l'odorat, d'accord, qu'on apprécie les saveurs des aliments. Alors après, voilà, on peut avoir une aversion pour certains, on ne sait pas pourquoi, mais tout s'éduque et on finit par accepter. En tout cas, les bébés, eux, apprennent à goûter et à aimer. Alors, vous êtes incroyable, c'est-à-dire qu'on a énormément de réactions sur des nouvelles recettes. Hein. Je pense que les cuisiniers, ce soir, vont en prendre de la graine. Bien se tenir. On a Théo, 18 ans de Clermont-Ferrand. Salut Théo. Salut. Théo, pour toi un vrai moment de kiff, c'est quoi toi? Un vrai moment de kiff, c'est genre quand je me lève le matin, là, et que je vais pouvoir commencer à mettre du Nutella avec de la confiture de fraise sur une tartine avec du beurre salé. Une tartine avec du beurre salé, bah c'est bien ça, non? Ah ouais. Mais c'est terrible, hein. Ça mélange plein de saveurs, la fraise avec le Nutella et le chocolat, c'est fraise Nutella. Moi ça me dérange, oui, pas. Oui, mais fraise Nutella ça va. Moi c'est plutôt le beurre salé avec le Nutella, ça c'est bizarre. Pour rajouter une petite touche de gras en plus. D'accord, OK. Mais c'est toi, tu aimes ça quoi. Voilà. Ah mais moi j'adore ça, moi c'est une bonne rituel, hein. Une bonne danette. Tu la prends avec quoi? Alors la danette, c'est le moment du dessert, ça c'est le moment que je préfère aussi, c'est top. C'est quoi, une bonne lamelle de gruyère et là je la trempe dedans avec un bout de pain. Ah, tout ça dans la danette. Mais c'est pas possible de faire ça. Ah putain. T'aimes ça? Ah non, mais ça c'est terrible, ça c'est... La danette au gruyère. Ah mais ça c'est énorme. Oh, on va essayer. On va essayer, mon pote. Moi je vais pas essayer. Mais il faut goûter, hein, il faut goûter, parce que là franchement c'est un truc à faire, c'est... D'accord, donc c'est vraiment génial. Donc par rapport à ce que disait Doc, Théo a été très très mal éduqué, Doc. Non, mais je crois qu'après on a des... Bah je suis pas le mauvais gars quoi, je suis pas type, mais... C'est toi que ça regarde, hein. Si tu aimes, tu aimes. C'est ça. Il y en a qui bouffent leur crotte de nez, il paraît. Non mais voilà. Dans le doute, ça doit pouvoir se goûter, les crottes de nez. Ouais, mais... c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il faut vraiment avoir un gros doute sur le truc, quoi. Tiffen est avec nous aussi, 24 ans d'Agde. Salut, Tiffen. Salut tout le monde. Salut à toi. Qu'est-ce que tu kiffes, toi? Qu'est-ce que tu aimes? Bah, je sais pas que je kiffe, mais quand j'étais enceinte, en début de grossesse, je mangeais de la banane avec de la mayonnaise. Banane mayonnaise. Mais ça, c'est immonde. Alors ça, mais... Tu trouvais ça très très bon? Bah ouais, je l'ai mangé. Et quand on est une femme enceinte, on a ces sensations qui sont différentes, non? Ça peut, oui, ça peut changer, mais oui, on peut avoir des goûts électifs. C'est, oui, voilà, il faut jamais contrarier une femme qui veut un plateau de fraises le 31 décembre, oui, d'accord. Ouais, c'est vrai, ça souvent, mais on te le réclame. Comme ça, oui. Tiffen, c'est dégueulasse, je te le dis tout de suite. On a Cynthia. Oui, je le referai pas. Cynthia, 24 ans de Lyon, bonsoir Cynthia. Coucou les loulous. Salut Cynthia, qu'est-ce que tu manges toi? Alors moi j'ai expérimenté la tomate au Nutella. Oh. Ouais, d'accord, ok. Ok, j'ai envie de... Je n'ai pas renouvelé, mais c'était pas mal. Ah ouais, d'accord. D'où t'es Et venu, j'aime c'est... bien le coca au lait aussi. Le coca au lait. Ah, ouais. Mais c'est un truc à vomir ça. Jamais essayé. Ah, mais quand on a une brûlure d'estomac, ça soulage et c'est instantané. Ah ouais. Et ça passe mieux que le Gaviscon. Dis donc Doc, le coca au lait, tu connaissais ça? Non, mais tout est possible, c'est ça. En matière d'alimentation, voilà, de goût culinaire, en tout cas, oui, pourquoi pas. Rappelle-nous de ne pas manger chez toi, Cynthia. Hein, bien sûr. Alexia est avec nous aussi. Bonsoir, Alexia. Salut. Salut, Alexia. 21 ans à Bourges. Qu'est-ce que tu manges, toi, ma chérie? Alors, moi, c'est pas je mange, je bois. D'accord. Qu'est-ce que tu bois? Alors, je bois, je peux boire du coca mélangé avec du lait, de la vinaigrette, de la mayonnaise. Ah, mais c'est pas possible! Tu fais des shakers. De la moutarde, voilà. Et de la vinaigrette. Vous savez Je mélange tout. Ah oui, c'est pour te faire vomir que tu fais ça? Ah non, même pas, je vomis jamais. Je garde tout. Mais il y a quand même, alors aux États-Unis, quand vous allez chez le fameux marchand de dragées qui s'appelle M&M's. Ouais, bien sûr, M&M's. T'en as au poivre et t'en as, sans déconner, t'en as au poivre. T'as tous les goûts à New York. Au beurre de cacahuète. T'as été à New York, c'est dégueulasse. Mais aux États-Unis, ils mettent aussi de la glace dans les sodas. C'est un truc qui se fait vachement, ça. Mais suivant les pays, en fait. T'as un célèbre pâtissier parisien, très très célèbre, qui fait quand même des macarons au foie gras. D'accord, ouais, et c'est pas terrible, quoi. Des gens c'est qui aiment, c'est tout, quoi. Bah ouais, c'est ça. En fait, chacun, on a tous des goûts différents, quoi. Ouais, mais voilà, tout est dans l'innovation. Sauf que je trouve que ça tourne beaucoup autour du Coca-Cola, du Nutella. Je trouve pas ça très original. Bah c'est surtout, Alexa, t'as des goûts de merde, en fait. Non, disons que je mets tout ce que j'aime. Donc tout ce que j'ai dans le frigo que j'adore et que c'est liquide, je mets. D'accord. Tu aimes tout ce qui est liquide. Oh, c'est ça. D'accord. Eh ben, tu dois bien t'amuser avec ton chéri. Sacré mélange. Oh, oui. Hein, je n'en doute pas. Gourmande, Alexia. Ouais. Bien sûr. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a Léa qui, elle, mange des hamburgers avec de la fraise à l'intérieur. Émilie qui a testé le Brie Crunch, donc c'est particulier. Pour Tristan, c'est panini jambon fromage Nutella, donc encore le Nutella. Ouais. Et Lara, alors ça c'est immonde, elle met des rillettes de thon dans son coca. Envoyez-nous des photos là sur le Snapchat. Horrible. La vie, ça c'est juste pour vomir. Non, mais ouais, ça, non. C'est horrible, on peut pas faire ça. Non, je pense pas. Non, je pense qu'il y a de l'arnaque dans tes messages. Tu manges des trucs un peu chelous, toi, Karel? Franchement, j'aime bien dans ma petite Danette manger des trucs un peu salés, ouais, des cacahuètes. Cacahuètes? Ouais, voilà, ouais. Genre avec le sel autour ou sans sel? Ouais, avec le sel. Ah ouais, un truc qui est excellent, c'est les grains de raisin avec du fromage. Grains de raisin, mais ça se Ouais, mais ça se mange, c'est comme la figue. Ouais, tu vois, la preuve, ça se lie, c'est sucré, salé. Ouais, mais il y a des trucs, c'est bon. Tout à fait. Et pourquoi il y a des trucs qu'on n'aime pas et au fil du temps qu'on apprend à aimer? Moi, par exemple, je déteste la noix de coco et en ce moment, j'ai des besoins de noix de coco. Ben, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure pour les bébés. Contrairement aux idées reçues, le goût se forme. Ouais. Il suffit de goûter, d'apprécier. Voilà. Tu peux être surpris par un goût, donc tu as une espèce de rejet. Puis en fait, en réfléchissant bien, c'est pas si mal que ça. On apprend plein de trucs ce soir. Merci Doc. Merci Doc. Théo, merci beaucoup. Tiffen, Cynthia, Alexia, j'ai oublié de demander à Gabriel, notre auditeur du soir, qu'est-ce qu'il mangeait de dégueulasse là, des trucs un peu chelous. Gabriel, tu nous as pas dit. Ouais, alors moi, ça serait genre, tu sais, la biscotte avec de la sauce César dessus. Biscotte, sauce César. C'est un sandwich, salé. Bah Gabriel, ça va ça? C'est nul, Gabriel. C'est nul. Oh Gabriel, raccroche. T'es pas un bon auditeur du soir. Non, déconne. Tu t'imagines. Pauvre. Reste avec nous, Gabriel. Dans un instant, on sera avec Claire d'Annecy. Claire, pour le défi, fallait pas demander. Alors, c'est le meilleur de cette semaine, hein, puisque Claire nous avait en fait appelé pour faire le défi à sa maman. Et elle l'avait appelé pour lui demander, maman, comment est-ce qu'on fait une bonne sodomie? Vous allez connaître la recette, bien sûr, de la sodomie dans un instant. Vous bougez pas. En attendant, voici Kungs, Don't You Know.

qui était passé sur l'antenne cette semaine. Bonsoir Charlie. Salut Charlie. Salut Karel, salut tout le monde, salut le doc. Salut, salut. Charlie, t'as 28 ans, t'es à Tours, t'es passé cette semaine à l'antenne. Tu avais posé cette question, est-ce que on peut coucher le premier soir avec un mec? Voilà, tout à fait. Je ne savais pas trop où j'allais, ce que j'allais faire et voilà. Voilà, t'avais rencard ce week-end en fait. Oui, tout à fait, j'avais rencard samedi soir. Le mec te plaisait bien et puis tu te demandais, voilà, qu'est-ce qui va se passer si je couche avec un mec le premier soir? Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de... Voilà, c'est ça de... Parce que ton objectif, c'est quand même une relation sérieuse. Voilà, moi je suis important de dire. Ça faisait 7 ans que j'étais avec quelqu'un, j'ai été 6 mois célibataire et voilà, j'ai 28 ans, faut peut-être penser à se poser quand même. T'avais peur en fait de, si tu couches avec le mec le premier soir, de passer pour une fille un peu facile quoi. Voilà, une fille facile et bon bah écoute, super, on a couché, allez, au revoir quoi. Ouais, et alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? T'avais rendez-vous quand? C'était vendredi, j'avais samedi? Samedi soir, d'accord. T'étais où? Hier soir, donc. On est, ben, normalement, j'allais boire un pot et en fait, on a commencé au restaurant. Donc voilà, j'ai eu le droit à mon petit bouquet de fleurs. Ah, bon début. Et après, je m'y attendais pas du tout. Donc petit restaurant, on a été boire un verre après. Et franchement, c'était très sympa. Je m'attendais pas à ça. Un homme très galant, ouais. Très attentif, très gentil. Et il voulait coucher. Non, ça s'est pas terminé au lit. Il était vraiment très galant et très poli et tout ça. Et il voulait pas aller trop vite lui non plus. Et ça s'est terminé avec un petit bisou. Et on va certainement se revoir par la suite. Tu l'as appelé aujourd'hui? Comment? Est-ce que tu l'as appelé aujourd'hui? On s'est envoyé des messages, oui. Quel genre? Comment? Quel genre de message? Doc veut tout savoir. Eh ben... c'est pour toi. Quel genre de message? Eh ben, qu'on a passé une super bonne soirée, que je lui plais énormément, que lui compte aussi par la suite vouloir avoir une relation sérieuse et tout ça. Mais attends, est-ce qu'il te plaît, lui? Est-ce qu'il te plaît? Moi, oui. Franchement, ouais. Ah oui, bon, c'est une histoire qui va marcher. Parce que souvent, quand on rentre dans une relation avec quelqu'un, Doc, on rentre un peu dans le calcul. On rentre dans le calcul de celui qui va envoyer le premier message, ouais. Le calcul de est-ce que je couche avec lui le premier soir. C'est quoi tous ces calculs, Doc, qu'on fait tout le temps? On se pose plein de questions, en fait. On ne sait pas comment... Parce que c'est pas facile. C'est toujours délicat d'avoir une relation aussi forte avec quelqu'un. Et puis, il y a quand même des gens qui sont assez malhonnêtes, qui couchent un soir et qui se barrent. On en a en face de nous. Bien sûr, c'est Cassim. Donc, salaud, c'est tout. Voilà. Foiré. Bah oui, non, mais attends, on se fait pas chier comme ça. Ah oui, le public. Ah bah oui, le public. Oui. Vous faire reculer le public. Vous emmerde. Voilà, mais je pense que c'est ça. En tout cas, on sait quel est l'enjeu. L'enjeu est énorme. C'est quand même établir une relation de confiance, une relation d'amour qui doit durer. C'est quand même l'histoire d'une vie. C'est pas, voilà, on n'y va pas juste pour passer un bon moment. En attendant, c'est le conte de fées pour toi, Charlie. Mais franchement, ouais, c'est top. Il a quel âge? J'ai eu des petits papillons en plus dans le ventre. Ah, d'accord, t'es amoureux. J'avais l'impression que c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un et je savais plus trop où j'étais, on va dire. Mais non, il y a des mecs bien, il y a pas que des que tard. Bah bien voilà, sûr. Voilà, ça, je m'en rends compte et je trouve ça top parce que. Il a quel âge? Lui, il a 30 ans. Ah, cool. Ah voilà, tout va bien. Ça me fait plaisir que tu me regardes quand tu parles de mec bien. Bravo, Doc. Merci. Mais c'est pas souvent, mais franchement, je pense que c'est tombé sur quelqu'un de bien. Mais ben voilà. Et ben, Charlie, t'es pas à l'abri d'être déçu, donc méfie-toi quand même. Hein. On ne sait jamais. Hein. Pour l'instant, c'est les premières fois, donc tous les mecs, ils sont bien les premières fois. Hein. Puis après, tu découvres la vraie nature. Ouais. Hein, non, mais je pense que ça devrait le faire. Franchement, j'espère aussi. Tu le revois quand? Tu le revois quand? Là, je pense qu'on va essayer de se revoir mercredi. Bon, moi, je suis disponible, lui aussi, donc voilà. Tu nous rappelles demain pour savoir si tu couches avec lui le deuxième soir, d'accord? Hein, ma chérie? Ça va, c'est pas de soucis. Gros bisous, Charlie. Salut Charlie. On parlera du chiffre d'Alice dans un instant. Un chiffre important ce soir. Ouais, on va parler des trous noirs après une grosse soirée en général. Ouais, les moments où on se souvient pas de tout. Voilà, ça, c'est inquiétant pour certains. Ouais. Dites-nous si vous avez déjà vécu ça. Genre, le matin, tu te réveilles. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu hier soir, quoi? Avec qui j'étais? En plus, t'as mal au cul, tu te dis oh putain. J'ai encore... qui la meuf à côté? J'ai encore fait le con. 01 42 48 5000. Ouais, si vous êtes réveillé à côté de quelqu'un que vous ne connaissiez pas, par exemple. Ça, c'est ouf, ça. Putain, venez nous raconter. Hein. On va revenir avec le son que je kiffe le plus en ce moment. The Parakeet, Save Me, dans 3 minutes sur Fun Radio. À tout de suite. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Bonjour, Eugénie. Bonjour, Bruno. Ouais, d'accord. 500 135 euros, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une occasion pour un vite. Je suis désolée. Pourquoi tu pleures? Non, parce que je suis contente. C'est une location d'un gîte de groupe pour l'anniversaire de mon homme qui fête ses 40 ans. Ah, bah, tu sais quoi? Je paye la location du gîte. Oh, merci beaucoup, merci, merci. Je suis vraiment contente. Passe une belle journée, ciao, mon belle. Merci beaucoup, elle va être belle. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bannure, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Actuellement au cinéma. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Pour vous régaler, bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tous les soirs, 20h, 22h, du sexe, de l'amour et du fun, c'est Love in Fun sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale. That you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. You told me how to fly. You drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Qu'est-ce que c'est bien ça, The Parakeet, Save Me sur Fun Radio. Le chiffre d'Ali, le chiffre d'Ali dans Loving Fun sur Fun Radio. Un chiffre qui va parler à tous ceux qui ont fait la fête hier soir par exemple, hein, qui ont eu du mal à se réveiller ce matin avec la petite barre, tu sais là. Mais là c'est pire que ça, c'est du blackout carrément. Et ouais, parce qu'une personne sur 6 avoue avoir déjà eu un blackout après une grosse soirée. Donc vraiment, ne plus se souvenir d'une partie de la soirée. Ouais. Ouais, mais ça c'est effectivement des excès, c'est préjudiciable, c'est très dangereux. Parce que d'abord, il y a beaucoup de viols qui sont perpétrés comme ça, je le dis. Ah oui. Ouais, la drogue de violeur, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est très joyeux, on est excité, mais enfin, on ne se souvient de rien. Et même chose pour le coma éthylique. Il y a quand même quelques petits malins qui tentent d'amener d'autres dans ces filets, surtout quand il s'agit de gens jeunes. Et il faut faire très attention à ça, notamment à l'alcool. Ça, l'alcool c'est, quand fort, c'est quand on te drogue à ton insu, mais souvent, il y en a qui se mettent aussi minables, quoi. Oui, minables, mais bon, on peut aussi faire des tas de conneries et se mettre en danger. C'est la réalité, je crois que. Là, il faut apprendre à. à consommer, on va dire. Justement, le blackout... Après, c'est interdit avant 18 ans. Ouais, c'est ça. Sauf que tout le monde en consomme avant. Enfin, c'est bien de le rappeler. T'as raison, Doc. Mais c'est vrai que la plupart du temps, à 16-17, tu fais déjà tes grosses soirées et tu picoles. Alors, on a Jordan qui est avec nous, 18 ans de Saint-Etienne. Bon. Salut, Jordan. Salut. Salut à toute l'équipe. Salut à toi. On est chaud du côté de Saint-Etienne. Les Stéphanois et les Stéphanoises, hein. Ah, mais... Ça fait des grosses soirées, hein. Eh ben, le souci, c'est que c'est pas qu'une seule, en fait. Ah, toi, t'as des blackouts à chaque soirée. Eh ben, pendant une période, tous les week-ends, quand je sortais, je faisais une soirée, oui, effectivement, des blackouts chaque soirée. C'est-à-dire que tu te souvenais pas du tout de ce que t'avais fait la veille? Eh ben, le souci, c'est que je me souvenais même pas comment je suis rentré, comment je suis allé, où je suis allé, et avec qui. Ah ouais, là, c'est abusé. Ah, c'est super chaud. Donc, t'avais beaucoup bu? Ah oui, beaucoup. Vous avez consommé du hashish aussi, des choses comme non, ça? Non, je touche pas aux produits stupéfiants. C'est surtout que de l'alcool. Mais d'accord. Est-ce que tu te rends compte le moment où tu as trop picolé ou pas? Eh bien, le souci, c'est qu'en fait, je bois, puis c'est un moment où je m'en rends compte, mais c'est le lendemain, je sais qu'il n'y a plus mon esprit, il n'y a que mon corps. C'est bizarre. Ce qui se passe souvent, je le dis parce que c'est une information importante à donner, lorsque vous consommez des alcools extrêmement forts, vous pouvez consommer de grosses quantités en peu de temps. Et entre le moment où vous avez consommé et l'effet, il y a un intervalle libre. Et quand vous vous rendez compte de l'effet, il est trop tard. Vous avez consommé beaucoup trop. C'est pas la même chose. Alors, je ne vais pas vous inciter à boire de la bière ou du vin. Étant des produits moins dosés en alcool, c'est sûr que c'est plus délicat d'aller prendre des très grosses quantités. Ce qui n'est pas la même chose avec whisky, vodka et autres. Non, mais c'est ce que tu disais, Doc. Il faut apprendre à consommer, quoi. C'est ça, en fait. Il faut connaître tes limites, quoi. Et si tu consommes un demi-litre de vodka, c'est sûr que c'est le coma éthylique garanti. Est-ce que, Jordan, il y a un moment où on sent que, oh putain, si je reprends un verre, c'est mort, quoi? Bah non, en fait, c'est junkie, et surtout de la vodka, c'est ça. Mais actuellement, c'est avec Théo Roche, quoi, surtout. Celui qui passe juste avant, et c'est lui qui me rappelle à chaque fois mes soirées. Et qui montre des photos avec qui j'ai terminé des sortes de choses. Qu'est-ce que t'as terminé la dernière fois? Ouais, que t'avais une bite sur le front. Par exemple, en décembre, non, je me suis endormi, je suis rentré, c'est mon père qui m'a réveillé sur ma terrasse, et j'étais avec un chapeau de Noël, et je suis rentré de boîte, je ne sais pas comment, et je ne sais pas comment j'y suis allé. J'espère que tu ne conduis pas. Ça, je prends pas de voiture. Ah bah non, si mec se souvient pas, à mon avis, il est pas en état de conduire non plus. Jennifer. Jennifer, on va accueillir Jennifer aussi, 26 ans de Tours. Salut Jennifer. Salut. Salut la famille, ça va? Ça va bien. Jennifer, raconte-toi, t'as déjà eu un blackout? Oui, un seul, oui. Un seul? Je crois que c'était le dernier même. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis partie en soirée donc, avec ma soeur et un ami. Et donc du coup, déjà, je suis une personne qui ne boit pas beaucoup. Donc du coup, là, je ne bois pas forcément énormément d'alcool. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah allez, cette soirée, on va se lâcher. Et de toute façon, je dormais là-bas, donc je savais très bien que dans tous les cas, je ne reprenais pas le volant. Ouais. Et donc, le lendemain matin, en fait, je me suis retrouvée dans une voiture avec des fringues qui n'étaient pas à moi, qui n'étaient pas du tout à ma taille. C'était pas tes vêtements? Non, c'était pas mes vêtements. Donc là, j'ai commencé à me demander ce qui s'était passé. Oh, j'ai commencé un peu à flipper, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Avec qui? Avec quoi? Comment je suis arrivée dans une voiture? Enfin bref, c'était le flou total. Ouais. Donc ça fait que je me lève, je vais toquer chez mon pote à la porte d'entrée, personne ne me répond. Je cours jusque derrière où il y avait une grande baie vitrée. Et là, donc, je vois ma sœur et un pote allongé par terre. Je tape, je me demandais vraiment ce qui se passait. Et là, je regarde ma tronche dans la vitre. J'avais une grosse bite dessinée sur la joue. C'est une bonne soirée. La bonne soirée, c'est festif. Ouais, mais on t'a foutu à poil quand même. Ah non, c'est moi qui a dû... ma soeur par la suite, elle me disait que c'est moi qui a voulu changer. D'accord, ok. Enfin, voilà, j'avais aussi les sourcils rossés au stylo, j'avais des moustaches. Enfin moi, c'était l'horreur. Tu as une photo à nous envoyer peut-être? Non, j'ai pas de photo. Est-ce que tu as recommencé depuis? Parce que c'est dangereux ce que tu fais là. Enfin, Non, j'ai pas recommencé du tout. Ah bah oui, c'est la seule fois, elle a dit. Ouais. Sinon, on va s'inquiéter. Ouais. Voilà. C'est dangereux, oui. Et oui. Et du coup, il y a un gars qui est arrivé derrière moi et qui m'a dit super sympa la soirée avec toi, franchement, c'était génial. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qui c'est ce mec? C'est ça. Et si vous voulez vous souvenir de ce que vous avez fait, hein, putain, faites gaffe. Hein. Oui. Et ma soeur me dit, en fait, le gars qui est là-bas, c'est ton nouveau mec, t'as pas arrêté de l'emballer, c'est pas vrai. Il n'a pas couché avec toi? Non, j'ai pas eu de... Et il était toujours emballé après? Ta descente? Ah non, du tout, non. Là, il n'était plus emballé du tout. Je me suis rendu compte de la beauté du mec, j'ai regretté derrière, en fait. Ah ouais. Eh ben voilà, ça t'apprendra à trop picoler, ma chérie. Marie, 20 ans de Serre, bonsoir Marie. Salut Marie. On parle des blackouts, les moments où, putain, je me souviens plus, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le con. Alors, vas-y. Bah, en fait, moi, c'était plutôt pour mes 18 ans. D'accord, bah vas-y, raconte, parce que nous, on n'est pas au courant de l'histoire. Hein. Bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans? On a enchaîné beaucoup d'alcool, un peu de tout. On a fait des cercueils, c'est le mélange de tous les fonds d'alcool. Des cercueils, oui, d'accord, ok. Horrible. Ouais, c'est dégueu. Ouais, horrible. Et alors? Et au final, bah, au bout de 3 heures du matin, je ne me rappelle plus à partir de cette heure-ci. Je sais pas ce que j'ai fait. Mes amis disent qu'il y avait des bassines, j'ai vomi partout dans l'ascenseur, j'ai fait n'importe quoi. Encore une mauvaise expérience. Oh là là. Voilà. Rourou. Je ne me rappelle pas du tout. Rourou, 24 ans d'Agen. Salut Rourou. 23, ça va? 23, 23, 23, pardon, j'ai oublié, tu vois. 23 ans, combien ça dans la boisson? Comment alors, ça va, la famille? Bah, ça va bien, mais Rourou, tu nous appelles, t'es encore bourré. Ouais. Non, hein, mais non, j'ai pas bu. Donc, qu'est-ce que t'as bu? Bon, tranquille. Tranquille. C'est-à-dire, combien de bière, combien de vodka, combien de whisky? Non, whisky. Whisky. À combien? 4, 5, 6 verres? Porta, c'est une bouteille. Ah oui, bah oui, Doc. Ah, il me semblait bien que t'étais un peu allumé. Mais Rourou, non, Rourou, il compte pas en verre. Non, ça se voit pas. Eh, hey, dis-moi, tu conduis pas, là, tout à l'heure? Non, t'inquiète pas, je conduis pas, Doc. Ah, pas de soucis, je m'échauffe au volant de mon camion, là, et tout va bien. Mais non. Rourou. Mais non, je conduis pas, vous inquiétez pas, je conduis Rourou. Pas. Rourou, oui. Rourou, raconte-nous un blackout que t'as vécu. Un blackout, vécu. Week-end ouais. dernier. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Week-end dernier, ben, dimanche matin, j'arrive chez un pote à moi, ouais, tranquillement. Il me dit, tiens, ton ticket de caisse. Je lui dis, c'est quoi ce ticket de caisse? Ben, tu m'as vu arriver, tu m'as dit, allez, je t'offre une bouteille, je lui ai tendu ma carte bleue, je lui ai payé une bouteille, apparemment. Ah, ben voilà, on est très généreux quand on est bourré. Hein, ah, apparemment, on est très très généreux, ouais. Donc tu t'es fait enfler d'une bouteille en étant complètement. Ah parce qu'en plus tu fais ouais, pas que les boire. 200 euros la soirée quoi. Ah, bah ah voilà. Ouais. Juste ce qu'il faut. Ouais. Mais il faut ce qu'il faut pour passer une bonne soirée, c'est ça Rourou. Soirée cohésion pour le rugby, c'est juste ce qu'il faut. Un rugbyman. Ah une troisième mi-temps. Bien sûr. La troisième mi-temps, juste ce qu'il faut. Toi, je sens que tu l'as bouffé ta biscotte. Non, t'es pas con. Ah bah attends Rourou, ouais. Avec non, un petit blackout, hein, tout est possible. Oh le blackout, mais le problème si tu veux, c'est que mais je me rappelle jamais de mes soirées en fait. Je voulais demander au doc si c'était grave ou pas. Bah, c'est grave le jour, oui. Il y a un mec qui t'attaque, c'est emmerdant. Et voilà, et si tu sors dehors, que tu fais pas gaffe, oui, bien sûr, c'est dangereux, tu peux te mettre en danger. Après, si tu restes dans ton coin et que tu te fais accompagner, ça peut aller. Non, c'est pas ça, si tu veux, c'est à chaque fois que je sors, ouais. Bon, je connais mes limites, enfin, plus ou moins mes limites. Non, tu les connais pas. Des limites, j'en ai pas. Ouais. Des limites, j'en ai pas, on va pas se mentir, j'en ai pas des limites. Ouais. Mais à chaque soirée, ben, au bout d'un moment, bam, je m'en rappelle plus. Bon, alors attends, est-ce que tu es debout là? T'es debout? Ouais. Bien sûr. T'es debout, reste debout. Oui. Mets-toi sur une jambe, ferme les yeux. Oh, non, ouais, Vas-y. Oh, ouais. Mets-toi sur une jambe. Hey, t'as ferme les test, yeux. Ouais, c'est ça. Ça marche, en plus, c'est le test. Tu vas voir, oui. Non, oui, c'est le test, oui, d'accord. Vas-y, fais-le. Là. Alors, attends, bouge pas, j'essaye. Garde le téléphone avec toi, on sait jamais. Hein. Allez, on est... Voilà, je tiens debout. Ferme les yeux. Alors, attends. Saute en avant. Saute en avant, ça tourne. Hein. Ça tourne? Non, ça tourne pas. Moi, ça va alors. Juste ce qu'il faut. Ah, le pire, c'est quand tu rentres chez toi et que là, ça tourne et tu te dis « Oh putain, je vais vomir ». Ça, c'est horrible. Non, vomir non. Dis-moi. Plus me rappeler des choses, en fait. D'accord. Tu fais pas ça trop souvent, quand même? Je suis commercial dans la boisson. Commerçant dans la boisson. C'est la réponse. Ouais, justement, si tu veux en vendre, il faut arrêter de boire. Hein. C'est son métier. Oui, non, bien sûr. T'inquiète pas, donc j'ai peur. T'inquiète pas. Mais d'accord. Est-ce que tu goûtes les boissons avec tes clients tous les jours? Non. Ah bon. Je bois pas tous les jours parce que c'est être déclaré alcoolique et je veux pas. Bah, ouais. D'accord. Ça, c'est un vrai danger. J'ai été une fois dans ma vie, c'est bon. D'accord, Rourou. Eh ben, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. À la tienne. Salut. Bonne soirée, avec gars, modération. Salut Rourou. C'est vrai, j'en profite parce que Rourou vient d'en parler, mais si vous commencez à faire des soirées avec vos potes, genre vous picolez le vendredi, le samedi soir, et puis que ça fait beaucoup. Vous vous rendez compte que finalement, bah, vous picolez non plus seulement le week-end, mais la semaine aussi. Vous devenez alcoolique. Ouais. Vous devenez alcoolique, si vous voulez qu'on vous aide, on peut vous aider. Hein. Je pense qu'il y en a, c'est sûr. Là, il faisait une promo pour l'alcool. Il était très gai, très joyeux. Genre, l'alcool, c'est bien, tu vois. Ouais, sauf que non. Oui, voilà. Sauf que quand on est alcoolique, c'est une maladie. 01 42 48 oui. 5000, c'est le numéro de téléphone. Dans un instant, on sera avec Florian. T'es là, Florian? Oui, salut Karel, salut Doc, salut Adi, salut tout le monde. Bonsoir Florian, t'appelles pourquoi? Alors moi, j'appelais, c'était pour savoir si c'était normal que quand je mettais une capote, j'avais des boutons rouges sur la teub. Bien sûr. Ça peut arriver si t'es allergique, oui, on va voir. Ah, on va en parler des boutons sur la teub, là. C'est ce qui nous attend dans un instant, mais d'abord, Aluna George. Mean What I Mean sur Fun Radio. So simple, but I'm doing you a favor. Luna George sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. On écoutera Nils Van Zandt là tout à l'heure avec Unified. Franchement, il est juste énorme ce son. Ça ressemble à ça. Le son de la teuf dans un instant sur Fun Radio. Restez bien avec nous. Love in Fun tous les soirs, 20h, 22h du dimanche au jeudi pour nous appeler 01 42 48 5000. On lit vos messages sur les réseaux sociaux. Snapchat, Love in Fun Radio pour nous ajouter. La page Facebook, Love in Fun. Et bien sûr Twitter avec le hashtag Love in Fun Alice. On a reçu un message de Derak. Hey Love in Fun, je vous écoute souvent et j'aimerais savoir si Doc peut me faire une dispense de sport à l'année. Bien sûr. Mais attends Doc, je sais que tu as pas le droit de le faire en fait, donc je le fais pas. Donc à l'antenne. Tu peux le faire, mais tu ne le feras pas. Le fait si quelqu'un vient me voir, que la raison est bonne. Bah viens nous voir. Pète-toi un truc. Simplement parce que il est un peu feignant et qu'il veut pas se bouger. Non, il faut faire de l'exercice, donc je ne lui ferai pas. Oh, non mais Derak, c'est un auditeur de Love in Fun, donc mais forcément oui, il est pas alors, bizarre. Justement, je vais lui dire d'aller faire du sport. Ça t'est déjà arrivé de faire des dispenses comme ça, Doc? Non mais exceptionnellement. Exceptionnellement. À tes enfants. Ouais, tes enfants. Bah si, il y en a un qui s'est abîmé un jour un muscle, d'accord. D'accord. Il joue au rugby en plus. Ah ouais. Et là, voilà, ça a traîné un peu longtemps, j'ai trouvé. Ah oui. Même au sport d'hiver, le quatrième jour, il s'est arrêté. Ah bah il s'est bien foutu de ta gueule, hein. Non, mais visiblement, il avait mal. Bon, après, non, il était voir des spécialistes et tout. On a fait. Mais ce sont des bons comédiens, tes enfants. Bordel. C'est vrai. Non, il y avait une petite déchirure, mais bon. On salue Ruben, hein. bravo. Ah bah c'est bizarre, t'as trouvé lequel? Ah ouais, bah tu vois, je m'en doutais, je le connais, c'est parce qu'il m'a raconté l'histoire et m'a dit putain, je l'avais bien enflé. Comme mon père. Je l'ai bien douillé. Ah ouais, je l'avais bien enflé. Et un autre message de Mylène qui veut savoir s'il y a moyen de passer Brice de Cib avant 22h. Pas du tout prévu, mais on va le faire. Ok, pas de problème. Cib avec Brice, restez bien avec nous. Donc comme ça, on écoutera Nils Van Zandt et Cib, on va bien finir l'émission, mais en attendant, c'est pas fini justement, puisqu'on est avec Florian, il a 17 ans d'Orléans. Bonsoir Florian. Salut Florian, qu'est-ce qui t'amène dans l'émission toi? Alors moi je vous appelais parce qu'en fait j'ai un énorme souci. Allez, quand je mets une capote, mais avec n'importe quelle fille, hein, et puis n'importe quel type de capote, que ce soit du latex ou du non-latex, oui. ça me fait des boutons rouges en fait, sur le bout de la tête, sur le gland quoi, et d'accord. Puis sur toute la peau, enfin c'est grave. Est-ce que ça te gratte? C'est moche. Oui, de ouf. Alors, si, bon, effectivement tu as soulevé, ça peut être une allergie au latex, t'en as pris en polyuréthane, t'es sûr? C'était pas du latex. Oui, c'est certain. Non, j'étais en pharmacie, j'aurais demandé un truc sans latex et ils m'ont donné sans latex. Alors, il y a une chose qui s'appelle, sur les préservatifs, qui s'appelle des lubrifiants. Mm-hmm. Et qui peuvent eux-mêmes, voilà, il faut que tu en prennes sans lubrifiant du tout. Ah ouais? Mais comment ça fait pour glisser du coup? Tu te débrouilles. Hein. Tu prends un lubrifiant, tu comptes sur elle. Dis-moi, excuse-moi, mais quand t'as un rapport sexuel sans. Voilà, merci de dire. Florian, quand t'as un rapport sexuel, tu lubrifies avant? Ah, bien sûr, bah alors pourquoi on met du lubrifiant sur le préservatif, Doc? Je te retourne la question. Bah, c'est une bonne question. C'est pour les filles qui sont pas excitées. Peut-être. Oui, mais voilà. Ça facilite en tout cas. C'est le préservatif des violeurs, oui, d'accord. Bien sûr. Écoute, non, voilà, ce que je te conseille, c'est juste ça parce que. Et bon, voilà, c'est la dernière possibilité. L'allergie à des produits contenus sur la capote. D'accord, demandons à notre auditeur du soir ce qu'il en pense. Gabriel, tu as tout entendu, tu as peut-être un conseil pour Florian? Bah moi je pense qu'en fait il a des boutons rouges parce que c'est encore un qui s'était chuché par Katoche. tourne-toi. Donnez-lui un coup de pied au cul, celui-là. Allez, donne-lui un coup de pied au cul, là. Envoie-moi un coup de pied aux fesses. Katoche, c'est la copine de Doc. Hey, tu vas t'excuser tout de suite. J'exige des excuses. Non, mais Gabriel, attends, Gabriel, qu'est-ce qui t'arrive? Ne parle pas comme ça de Katoche, quand même. Des excuses, ouais, Gabriel. Gabriel. Pardon, Katoche, on t'aime. Pardon, d'accord. Alors. Alors, ça va. Bravo Gabriel! Gabriel, il aura clashé Doc ce soir. Florian. Florian, ouais. Florian. Oui. Bon, eh ben, tu oublies les préservatifs, mon pote. Non. Ouais, ah pardon, non, c'est pas ça. Préservatif nature. Nature. Tuétane sans lubrifiant. Ah, c'est vrai. Parce que je dis ça, parce que c'est rouge, c'est immédiat et ça gratte. Ça fait quand même très réaction allergique. Je le dis comme ça, hein. Et ça passe assez rapidement, ok? D'accord. Salut mon Florian. Salut, merci beaucoup. Salut, prends soin de toi, Florian. Dans un instant, on sera avec Enzo. Enzo, 17 ans d'Albi, qui est là. Bonsoir, Enzo. Salut, Enzo. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Comment ça va? Ça va bien, Enzo. Alors, Enzo, raconte un petit peu. Pourquoi t'appelles, toi? Bah, en fait, moi, je recherche un endroit pour faire ma première fois avec ma copine. D'accord. Tu veux qu'on te trouve l'endroit? Si tu veux, on peut appeler des hôtels. Chez Karel, je vais te donner l'adresse. Tu peux y aller. Viens au studio. Bien sûr. Non, mais. Tu vas de 20h à 22h chez Karel. Il n'y a personne. Hein. Non, mais du côté d'Albi. Chez Karel, tu me laisses une chambre tranquille. Non, mais moi, je vais te dire, quand j'avais 17 ans comme toi et que je voulais me passer un petit week-end avec ma chérie et tout, on se faisait des hôtels avec ma meuf et tout à l'époque. T'étais riche déjà? Non. Est-ce que t'as un peu d'argent, toi? Ouais, ça va, enfin, l'argent de poche du mois, quoi. Bon, bah, dites-nous si vous avez justement des petites idées d'endroits. Là, c'est vrai, quand on a 17 ans, 18 ans, qu'on peut pas être chez papa, maman, comment est-ce qu'on fait pour trouver un endroit pour faire l'amour? On peut aussi essayer d'appeler des hôtels pour savoir s'ils peuvent te faire un petit prix, là, du côté d'Albi. La tente? Bah, bien sûr, la tente que je sois. On en parle après Nils Van Zandt et Unified. Le DJ Fun Radio, Nils Van Zandt. 20h, 22h. 0 à 42 48 5000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Jusqu'à 22h, Love in Fun sur Fun Radio. Enzo, 17 ans d'Albi. T'es là? Ouais, je suis toujours là, ouais. Enzo, t'as une meuf? Ouais, ça y est, ouais. T'as déjà fait des trucs avec elle ou pas? Et non, rien encore. Rien du tout. Et c'est pour ça que tu nous appelles, pourquoi en fait? Bah, en fait, voilà, moi j'aurais bien aimé trouver des endroits. Sympa, pas trop crade en dehors de chez nous, parce que ma mère, mes parents ne veulent pas que qu'on se voit et que je dorme chez, que j'amène ma copine chez moi pour dormir. Mm-hmm. Et c'est pareil pour ses parents, elle. D'accord. Donc on se retrouve un peu coincé. Mais la journée, enfin moi je sais que je séchais les cours l'après-midi pour coucher avec ma nana chez ses parents, quoi. Ouais, c'est mais pas bon, un bon conseil, ça. Ah pardon. Non, mais on dit la vérité ou pas? Bah c'est pas un bon conseil. Bon d'accord, c'est pas un bon conseil. Mais bon, moi je le faisais par exemple. Ah ouais, je pense qu'il n'est pas le seul. Bon. Ah bah t'es pas le seul à le faire. Bah ouais. Il y a plein de voilà, ils sont pas là, les parents sont pas là, on en profite. Bah, oui, c'est vrai. Sauf que parfois, une vieille grippe se pointe et se pointe à... Ah oui. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin voilà quoi. Après, c'est une idée. Justement, on lance le standard, hein, 01 42 48 5000. Si vous avez voilà des endroits. Alors, c'est vrai que pour le début, il faudrait d'abord qu'elle soit d'accord pour faire un truc, hein, Enzo. Ouais, mais on s'est mis d'accord tout ça et elle est d'accord aussi. Bah, il y a la nature. Je veux dire, dans la campagne quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Personne n'a jamais fait dans la campagne ici. Ah bah si. C'est un petit chemin, Alice. Bah moi je l'ai fait, oui, dans la campagne. Enfin, je sais pas ce que t'appelles la campagne. Je l'ai pas fait sur une botte de foin non plus, mais voilà, je l'ai fait dehors. Le problème c'est que pour aller dans un hôtel, il est pas majeur, il peut pas. Ah bon? C'est ça. C'est le bah oui, il faut une pièce d'identité. Il va dire, t'es pas majeur, je te file pas de chambre. D'accord. Il faut une autorisation parentale, donc c'est compliqué. Ok. Alors, bah, si t'as le pote qui a deux chambres que toi, il te la loue à la place, et voilà. Bah faut ruser un petit peu quand même. Ouais, c'est clair. Enzo, dans l'équipe, Alice a souvent fait l'amour. Comme tu le sais, elle a commencé très jeune. Hein, elle le dit, voilà, ouais, à 14 ans. J'écoute souvent l'émission et c'est vrai qu'elle en parle souvent. Ok. Ah, Alice, où est-ce que tu as déjà pratiqué l'acte sexuel? Où? Tous les endroits où je l'ai fait. Allez, bah, c'est parti. Oula, bah, je l'ai fait dans un train, dans un restaurant, dans un vieux lavoir. Dans un vieux lavoir. Ouais, c'est vrai. On peut le faire partout, c'est ça qui est vrai. Ouais, un vieux lavoir, mais je l'ai pas fait dans l'eau, mais voilà. Non, moi je l'ai fait un peu partout, enfin dans plein d'endroits, voiture, ouais, salle de sport, enfin des trucs un peu particuliers. Putain, salle de sport. Ouais. Dans quel endroit? Plutôt les vestiaires, du coup, pas sur la presse, quoi. Il y avait plus personne, il y avait monsieur, oui, c'est mieux. Ah bah oui, elle était pas toute seule. Non, mais seule, je parle, hein. Voilà. Non, j'étais pas avec toute la salle de sport non plus, tu te doutes bien, quoi. C'est ça pour toi, oui. Il faut un petit peu d'imagination, j'ose même pas poser la question à Doc. Ah bah. Parce qu'à mon avis, Doc, je suis sûr que même que tu l'as fait. Hey, Enzo, ça va? Ouais, tranquille. Tu manges ton téléphone pendant ce temps-là? Non. Il note. Hein, tu notes. Doc. Ouais. Donc c'est des années d'expérience, tu l'as fait un peu partout toi aussi. Ça peut arriver, oui. Ouais, genre sur ta moto? Je crois pas, non. Jamais sur ta moto? Dans une voiture? Oui, quand j'étais beaucoup plus jeune, oui. D'accord, dans un cabinet de médecin? Non. Jamais? Ouais, attends, ah, le arrête, c'est mytho. Dans un avion, tu t'es envoyé en l'air à New York avec Katoche? Non, mais on était très proches. Ah, donc en gros, petit prélit dans l'avion, quoi. Grosse pipounette. Non. Tripoté sous le plaid. C'était un 380, il y a de la place dans le 380. Ah ouais, d'accord, ok. Dis donc, on se touche en public. Kassim, des endroits, on cherche des endroits. Ouais, dans une voiture. Dans une voiture? Ouais, dans une voiture ou dans les douches d'une piscine. Mais le coup de la tente, c'est bien. Alors, on installe une tente. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal, le coup de la tente. Ça coûte rien. Tu te mets où tu veux. Un duvet. T'as ton intimité. Enfin, voilà, tu te fais une soirée sympa. Enzo, tu t'amènes le petit sac de couchage, tranquille. Bah ouais. Ah ouais. Enfin, t'as pas besoin de sac de couchage pour. Si. Et bah oui, mais t'as une vie quand même après ça. Faut quand même qu'il y ait un minimum de confort, sinon. Mais grave. Ah, mais surtout, tu mets des petites bougies, comme ça prend feu. Et là, c'est. Non. C'est pas une bonne idée. Tu fais un petit pique-nique et après, tu l'as. Enzo, tu dis quoi? Comme ça, t'as bien niqué ta soirée si t'attends. Voilà, c'est ça. Non, mais Alice, elle a raison. Tu fais un petit pique-nique dans la nature. Ensuite, tu t'enchaînes dans la tente. Tu fais ta petite affaire avec ta chérie. Et puis, vous êtes heureux, quoi. Ok, ouais, bah, ça avance, ouais. C'est prévu pour quand? Bah, je sais pas trop. Normalement, d'ici la semaine prochaine ou dans deux puis, semaines. Et puis, la fameuse tente, tu la prends en sac à dos dans le dos. C'est top. On va, ouais. Bah, carrément. Ou sinon, tu motives un pote à organiser une soirée. Parce que ça se passe souvent aussi dans les soirées. Tu dors pas chez toi, il y a plein de potes. Dans et tu dors chez quelqu'un. Mais non, mais des fois, ça arrive. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de le faire, de profiter de ce moment-là pour me rapprocher d'un mec. Ouais. Il a dit oui. Regarde. C'est Guillaume. Guillaume, il a dit oui. Guillaume, tu l'as fait, toi, Guillaume? Vas-y. Non, mais je trouve que organiser une soirée. Et ouais. Pour coucher dans le lit des autres, c'est génial. C'est la meilleure. Bah, c'est super pratique. Comme ça, tu gigues partout. Oh, tu vas à l'anniversaire de quelqu'un et bim. Ouais, si le week-end prochain, ouais. Bah, c'est-à-dire aux parents, si vos enfants font une soirée, vous avez du sperme partout. Heureusement, ils n'écoutent pas. Enfin, j'espère. Enzo, je compte sur toi. On se rappelle dès que tu l'as fait, d'accord? Ok, ça marche. Une petite tente, ça allez, coûte pas cher. Soirée. Salut, mon pote. Ciao. On sera avec Brice, 17 ans de Paris. Salut, Brice. Salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir Brice, tu me fais très peur toi, t'appelles pourquoi? En fait, je t'appelle juste pour savoir comment bifler les meufs. D'accord, ok. Ça veut dire mettre une petite claque avec son sexe. J'espère que c'est une petite tape amicale, hein, parce que sinon pas de violence, hein. Je te le dis tout de suite. On va en parler dans un instant, Brice, qui me fait flipper. Dites-nous si vous êtes adepte de la bifle. La bifle en long, en large et en travers, dans un instant avec Steve.

Qu'est-ce que c'est bien dit. Qu'est-ce que c'est beau. C'est avec des petits blancs tous les soirs. Oui, c'est ce qu'on appelle un acapella dans le jargon. Donc mais ça, c'est une grosse erreur de Godefroy, mais bon. Désolé. Il était en train de s'habiller pour faire sa petite nuit là en Michaela, donc forcément on peut pas tout faire, mettre des bas et enchaîner sur Fun Radio. Je pensais que c'était voulu, j'ai été gentil. Moi. Non, moi je balance tout, Doc. Je suis une vraie salope. Merci d'être avec nous sur Fun Radio. J'espère que tout va bien. Vous passez une bonne soirée. Nous, on se régale avec vous, hein. Comme chaque soir, 20h-22h, Love in Fun. Vous avez un truc à dire. C'est une vraie émission de Libre Antenne qu'on fait chaque soir. 01 42 48 5000. Il y a des cadeaux aussi. Je vous l'ai dit, avec la nouvelle extension de World of Warcraft, Légion à gagner dès demain dans l'émission avec le défi Fallait pas demander. Et puis, on parle de tout dans l'émission, on se lâche. Et ce soir, c'est Brice qui est avec nous. Il a 17 ans, il est de Paris. Bonsoir, Brice. Salut. Bonsoir, salut Karel, salut Doc, salut Alice. Bonsoir, salut. Tu viens nous faire partager ce soir ta passion. C'est ça, en fait. J'ai une passion, mais surtout là, j'aimerais vraiment savoir est-ce que vous avez des techniques et tout ça pour que ma passion devienne de plus en plus intense. Vas-y. En fait, voilà, j'ai depuis un certain temps et tout, bah, je kiffe bifler, en fait. Tu bifles. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Ben en fait, je le fais, mais sans trop le faire, en fait. Ben, je ne veux pas trop m'imposer, quoi. Mais d'accord, tu fais comment, alors, là? Eh ben, écoute, direct, quoi, boum, dans le front. Mais, D'accord. Enfin, en même temps, on a l'impression que t'as un marteau, t'as un petit engin, quoi. Non, je l'appelle Popeye, moi, pour te dire qu'elle est moyenne, mais assez musclée. Donc, Ouais, elle n'est pas musclée, elle est pleine de sang et tu bandes beaucoup. Mais bon, voilà, tu fais pas très mal avec ta verge. Ben, non, pas très mal, mais du coup, j'aimerais savoir... Comment la fille réagit? Elle crie. Bon, alors t'arrêtes. Ouais. Elle crie, elle crie de douleur ou pas? Je sais pas, en fait, si c'est de douleur ou si c'est de joie. Du coup, je me demande si tu l'as déjà fait, tu vois, parce que là, j'ai l'impression que c'est pas très cohérent, ton truc. En fait, si vous voulez, j'essaye et tout ça, mais je m'impose pas, quoi. Je lui dis pas que je vais la bifler. En fait, t'as très envie de le faire, mais tu sais pas comment. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, j'ai bien compris. Tu l'as jamais fait, oui. Mais tu sais que il y a des filles qui arrivent à se faire des auto-bifles. Hein, c'est-à-dire que Alice une fois nous a raconté qu'elle s'était auto-biflée avec une catapulte. Oui, c'est ça. Mais c'était pour essayer. Et voilà, on me l'a pas proposé. On m'a pas dit viens, je te bifle. Mais moi, par curiosité, il m'a paru important de savoir quelle était cette sensation dont tout le monde parlait. On a compris, l'imaginer t'excite beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais du coup, arrête de regarder les films porno, ça ira mieux. Hein. Alors, Doc. Ouais, mais ça va être kiffant quand même. Doc, tu vas me dire ce que t'en penses. Je suis tombé sur un site internet qui parle de la bifle et qui explique que la bifle est une pratique noble et ancestrale dont le savoir-faire se transmet de génération en génération. D'ailleurs, ta grand-mère se faisait très certainement bifler à son époque. Les 10 commandements du bon bifleur. Alors, vas-y. Tu dois savoir bifler en tout lieu et en toutes circonstances. Tu ne dois surtout pas bifler un membre de ta famille. En aucun cas. En 3, il est nécessaire que l'objet utilisé pour la bifle, ta bite, soit soigneusement entretenu. 4, les femmes peuvent bifler, elles doivent alors avoir recours à des accessoires type bite en plastique pour bifler leur homme. Il est interdit de bifler son bifleur sans avoir pu bifler à son tour quelqu'un d'autre avant. C'est important. C'est un jeu de cartes ou quoi là ? La bifle ne se paie pas pour que l'on soit bifleur ou biflé. Tu n'oublieras pas de soigner et de dire merci à la joue qui t'a biflé. Tu ne bifleras jamais par surprise et un bon bifleur se doit de respecter les 10 commandements. Voilà, la bifle, c'est un art, ça se respecte. On a Gabriel qui veut réagir, notre auditeur du soir. Tu peux être toi-même bifleur, Gabriel. Ou biflé. En fait, moi, pour faire des bifs, je m'entraîne sur ma sœur. Mais Gabriel, tu es complètement malade ou quoi? Mais non, il rigole, plaisante. Non, il est fou. Gabriel, tu nous confirmes que c'est une connerie? Oui, mais voilà, attends. Non, mais attends, c'est dans vos fantasmes. Vous n'avez pas une meilleure sexualité horrible. Parce que vous allez caresser la joue de votre copine avec votre sexe. Mais il n'y a que moi qui trouve que bifler quelqu'un, c'est quand même, je sais pas, c'est pas très respectueux. Bah, c'est pas respectueux et puis ça sert à rien du tout, quoi. Ah, voilà. Et c'est pas excitant. Oui, mais je pense que c'est l'influence des films porno, confirme. Brice. Ils voient ça dans les films porno, ils sont persuadés que c'est le top du top. Brice, tu mériterais 2-3 bifles. Grave. Mais j'ai pas envie de te les donner ce soir. C'est trop facile. Je vais t'offrir Sib avec Brice qu'on va s'écouter là maintenant. D'accord, mon Brice? Ok, super, merci beaucoup. Bonne bifle à tous, hein, si vous êtes en train de vous bifler, bien sûr. Merci d'être avec nous. Bonne soirée, tout le monde. Love in Fun sur Fun Radio 0 42 48 5000. Et comme promis, Sib avec Brice, c'est Love in Fun. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love.